Dès mardi, découvrez L'Appel des Abysses, troisième podcast natif de fiction de France Culture. La tempête a fait des ravages sur le territoire. L'océan a recouvert les continents, l'air est devenu irrespirable. L'élite financière s'est réfugiée dans une cité immergée. À la surface, les plus pauvres étouffent dans un immense bidonville flottant où gronde la révolte. Nous vivons tous accrochés les uns aux autres comme des naufragés à leur radeau. Élevé à l'air libre, Marin découvre qu'il aurait dû grandir dans les profondeurs. Il a été adopté. L'Appel des Abysses, fiction en 10 épisodes, en son immersif, sur franceculture.fr et les plateformes dédiées. Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. Quelle est la différence entre le peuple et la foule ? De quelle nature est le ciment qui agrège et colmate les anonymes indistincts qui composent la foule en un ensemble uni, bien distinct et inquestionné que l'on nomme le peuple ? Et si le peuple était une construction bien utile à ceux qui veulent s'en extraire ? Accrochez-vous, ce matin, Philippe Muret vous emmène loin du peuple, très loin, au-dessus, à voir. La transformation de la foule en peuple, profond travail. C'est à ce travail que se sont dévoués dans ces 40 dernières années les hommes qu'on appelle socialistes. Quel but ! Faire le peuple ! Les principes combinés avec la science, toute la quantité possible d'absolu introduite par degré dans le fait, l'utopie traitée successivement par tous les modes de réalisation, par l'économie politique, par la philosophie, par la physique, par la chimie, par la dynamique, par la logique, par l'art, l'union remplaçant peu à peu l'antagonisme et l'unité remplaçant l'union, pour religion Dieu, pour prêtre le Père, pour prière la vertu, pour chant la terre, pour langue le verbe, pour loi le droit, pour moteur le devoir, pour hygiène le travail, pour économie la paix, pour peuple l'homme. Telle est la simplification. Et au sommet, l'idéal. L'idéal, type immobile du progrès marchand. Rideau. Emporté par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres, et je crie de douleur, de fureur et de rage, et je pleure. Et traîné par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, je suis emporté au loin. Et je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole, l'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais retrouvé. Bonjour Alexandre de Vitry. Bonjour Adèle Vendrette. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Vous allez avoir désormais Édith Piaf dans la tête toute la journée. Et on va faire en sorte que le texte de Philippe Muret reste aussi dans la tête des auditeurs toute la journée parce qu'il en vaut la peine, n'est-ce pas ? Ah oui, bien sûr. Vous êtes l'auteur d'un ouvrage sur Philippe Muret qui s'appelle L'invention de Philippe Muret, qu'on trouve aux éditions Carnet Nord. Vous faites paraître prochainement chez Desclés de Brouwer un ouvrage qui s'appelle Sous les pavés, la droite. Vous enseignez la littérature et c'est donc vous qui allez nous parler de ces écrivains. On va commencer par cet écrivain qui se situe, alors je disais, au-dessus, à côté du peuple. En tout cas, il a une idée bien précise de ce qu'est le peuple et il ne semble pas le tenir près de son cœur. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais disons que ce dont il veut parler, pourtant, c'est bien cela. En tout cas, c'est la masse. La masse grouillante, la masse, le multiple, le nombre, l'humanité comme prolifération, c'est cela qui l'intéresse. Et ce qu'il a du mal à supporter, c'est la transformation de cette masse horrifique en une valeur positive. Il observe dans le 19e siècle une espèce de changement de signe, d'un signe négatif qui a accompagné depuis toujours dans la philosophie, dans la théologie, dans la littérature, ce peuple grouillant, multiple, dégoûtant, ce peuple de la plèbe, cette transformation en populus progressiste à la sauce socialiste au sens que ce mot a au 19e siècle. C'est-à-dire le peuple qu'on essaye de créer, de Saint-Simon à Péguy en passant par Michelet, ce peuple qui reste à faire, eh bien pour lui c'est simplement la transformation de la masse en une valeur positive soutenue par une religion. C'est ce qu'on entendait bien dans le texte, il y a tout un discours religieux qui va accompagner cette transmutation de la masse en peuple, et ce discours religieux c'est ce qu'on a l'habitude d'appeler le romantisme en fait, plus ou moins, et dont il tire des conséquences bien au-delà des limites chronologiques qu'on assignera normalement au romantisme. Mais voilà, c'est le premier regard de Muret sur le peuple, c'est celui-là, en tout cas dans l'ouvrage dont est extrait le texte que nous avons entendu, qui est le 19e siècle à travers les âges, qui est un ouvrage du début des années 1980, et qui est une espèce de premier jalon décisif dans la trajectoire de Muret, qui est en train de s'inventer comme écrivain, à travers cette espèce de théorie politico-littéraire sauvage sur plusieurs centaines de pages dont on a entendu quelques phrases. Il a un style inclassable et lui-même d'ailleurs refusait toutes les catégories d'historien, de philosophe, de penseur. Il propose une œuvre, on peut dire théorique, en tout cas dans laquelle il argumente des thèses. C'est quand même une des définitions d'une théorie, même s'il ne veut pas rentrer dans ces catégories classiques. Et c'est un grand critique de ce qu'il appelle la 19e-ité. C'est un concept en soi, et pour lui, du 19e siècle est née une certaine idée de la modernité qu'il fustige, voire qu'il le dégoûte foncièrement. Oui, qu'il le dégoûte. Néanmoins, là encore, c'est vraiment un moment dans son œuvre où il invente cette espèce de concept fourre-tout qu'il appelle la 19e-ité, qui l'appelle également l'occulto-socialisme, qui est une espèce de concept bifide avec d'un côté une composante religieuse qu'il appelle occultiste, et qui va bien au-delà de ce qu'on appelle l'occultisme objectivement, mais qui concerne toutes les formes de religiosité qui apparaissent au 19e siècle. Et de l'autre côté, le socialisme, là encore, ce n'est pas seulement le socialisme, par exemple, des socialistes utopiques de la première moitié du 19e, c'est toutes les formes de progressisme politique qui, elles aussi, apparaissent, disons, dans le sillage de la Révolution française. Et il essaye de décrire l'alliance objective, pourrions-nous dire, entre ces deux tendances, qui fait en fait pacte de la modernité. Le pacte de la modernité comme nouveau projet politico-religieux et qui va traverser ensuite les siècles, d'où le titre du livre, le 19e siècle, à travers les âges. Mais cela dit, Muret ensuite passe un peu à autre chose. Il y a une rupture autour de la fin des années 80 et du début des années 90 dans son œuvre, dans la mesure où justement son rapport à la théorie lui-même change un petit peu. Alors c'était déjà un théoricien un petit peu particulier, comme vous avez dit, un peu inclassable, mais ce qu'il essaye de devenir, ce qu'il a toujours voulu devenir, c'est un écrivain, aussi flou que soit cette catégorie. Et c'est grâce au 19e siècle à travers les âges que cela pourra s'opérer, parce que cette pensée politique, cette pensée théologico-politique qu'il développe, lui permet d'inventer une manière de faire de la littérature qui lui semble bonne. En tout cas, de découvrir une tradition littéraire dressée contre le peuple, contre la masse, dans laquelle il va lui-même s'inscrire à son tour. Alors on va essayer de comprendre pourquoi il tient à se dresser contre cette masse précisément. Voici un extrait toujours du même livre, le 19e siècle à travers les âges. Il écrit ceci: masse, au pluriel, deux points, c'est la perdition de tous les noms. Et en même temps, personne ne s'y reconnaît. Personne n'est jamais masse, consciemment ni inconsciemment. Pas plus qu'on a 1,5 ou 1,7 enfants par couple. Personne n'est le produit d'une moyenne. Personne n'a sa voix exacte dans aucun sondage, aucune statistique. Personne, oui, c'est exactement cela. Un effet de personne dont il s'agit. Ou peut-être un groupe, une classe, une famille ou une tribu. On n'est jamais un nombre, une masse. L'obscurité du remue-ménage lui-même, les enfers du sous-sol sur la terre. Et le texte continue, on sent que c'est l'idée même de masse qui lui plaît, et en même temps l'idée de toute forme de, là encore, de catégories qui viendraient essayer de saisir le réel. Son problème, c'est savoir comment saisir le réel, et les catégories de masse et de peuple sont inadéquates. Oui et non. Alors, dans ce qu'on entend, il y a en filigrane une contre-valeur qui se dessine. Si la masse, le nombre, ce n'est personne, qui c'est? Quelqu'un. Eh bien, la valeur, la contre-valeur pour Muret, en fait, c'est l'individu. Il y a un système un peu solidaire, parfois explicite d'ailleurs, entre d'un côté cette obsession du massif, de la masse, du multiple, inconnaissable, et de l'autre côté, la valeur des valeurs pour Muret, qui est l'individu, l'épanouissement individuel, dans une tradition qu'on pourrait dire un peu nietzschéenne à certains égards. Le paradoxe, c'est que pour Muret, un individu écrivain ne se réalise que dans la mesure où il est capable de faire apparaître cette masse inconnaissable, de lui donner une forme dans la littérature. Donc qu'est-ce que c'est l'écrivain pour Muret? Qu'est-ce que c'est la position de l'écrivain? C'est celui qui s'extrait de la masse, qui se différencie, qui devient en quelque sorte le seul individu sur la Terre. Mais comment peut-il le faire? En décrivant la masse, en lui donnant un nom, en parvenant à la connaître et à la décrire. Donc il la critique, mais il en a besoin pour devenir écrivain. Et c'est même le seul moyen, dans la théorie littéraire de Muret, de devenir écrivain. C'est ce qu'il développera par la suite, quand il inventera lui-même les moyens techniques, stylistiques, pour décrire son temps, son époque de cette manière-là. Mais quand il en est encore au XIXe siècle, son relais, en quelque sorte, celui en qui il voit cette capacité à se différencier tout en révélant tout le reste de la réalité comme une grande masse indifférenciée, eh bien celui qui est capable de faire ça, c'est Baudelaire. Le modèle, l'espèce de phare, pour prendre le mot baudelairien, qui éclaire tout le XIXe siècle, c'est Baudelaire. C'est la contre-épreuve du XIXe siècle, en fait, Baudelaire pour Muret. C'est celui qui a compris la nature du XIXe siècle comme avènement du peuple sanctifié et qui, le comprenant, s'en est extrait. Et s'en extrayant, le comprend dans une espèce de cercle herméneutique, en quelque sorte. Mais ce diagnostic qu'il fait quant à la place de l'écrivain dans la société s'applique à n'importe quel écrivain. Pour écrire, par définition, il faut s'extraire de cette masse, de ce peuple, de cette foule, si on tient pour synonyme ces trois termes. Bien sûr, on pourrait dire qu'il y a sinon une stratégie, en tout cas une tendance de cet ordre dans la littérature moderne, en tout cas, disons dans la littérature des deux ou trois derniers siècles. Le cliché de l'écrivain seul sur sa tour d'ivoire, qui tourne le dos au monde pour composer son œuvre avec un O majuscule. Bien sûr, mais la figure du Victor Hugo exilé, parlant pour le peuple seul depuis ses îles anglo-normandes, n'est pas exactement la même figure que celle du Baudelaire à Bruxelles. Pourtant, ce sont deux exilés. Oui, pourquoi alors? Mais l'un prétend parler pour le peuple, incarner, concentrer tout le peuple dans sa personne. C'est le Victor Hugo des Châtiments, qui considère que le peuple s'est en quelque sorte éclipsé en soutenant Napoléon III au lieu de s'opposer à lui, dans le plébiscite de 1852. Donc, que devient le peuple? Eh bien, le peuple, c'est la voix de Victor Hugo dans les Châtiments. Le peuple s'est concentré dans la personne d'Hugo, alors que dans le cas de Baudelaire, il s'agit plutôt de retourner une voix, une parole contre le peuple, contre cette masse démocratique fraternelle du XIXe siècle qui rend de plus en plus Baudelaire fou les années avançant. Baudelaire est en lui-même d'abord parti de la pensée 48arde et fraternelle, mais il s'est peu à peu retourné, à peu près au même moment que Victor Hugo d'ailleurs, lui, connaît sa vocation populaire et socialiste. Donc ce n'est pas du tout le même exil, ce n'est pas la même tour d'ivoire, elle n'a pas la même fonction. Je dirais que ce qui est intéressant dans le cas de Muret, c'est que son art, s'il est très inspiré de Baudelaire, a quelque chose qui s'inscrit aussi dans la filiation de Victor Hugo. Parce que ce que Muret essaye de peindre, le style qu'il essaye de développer dans ses livres suivants, cherche à faire vibrer l'époque, à faire entendre la voix de l'époque, à identifier la façon dont l'époque parle et à exagérer ce discours. Alors il y a évidemment une visée critique derrière ça, le but c'est de ridiculiser l'époque, mais malgré tout... Il est même très virulent à cet égard. Il est très virulent, on veut en considérer, et tout à fait à raison, comme un pamphlétaire d'ailleurs. Ouais. Mais malgré tout, je pense qu'il y a peu d'écrivains dans notre époque qui, comme lui, ont pu la faire entendre, la faire entrer dans la littérature en fait. Et finalement c'est aussi le désir, le fantasme hugolien qui se réalise là-dedans. C'est-à-dire concentrer la voix d'une époque, la voix de la masse, du nombre, de la voix de ceux que nous sommes aujourd'hui, eh bien, à l'intérieur d'une littérature singulière. Mais il essaye de décrire cette société-là, cette époque-là, vous l'avez dit, en étant souvent même impitoyable, hein, en caricaturant les travers de cette société. Rarement pouvons-nous lire à travers ou même dans les lignes de Muret des choses qui semblent au contraire célébrer l'époque. Il est toujours du côté critique, il y a des pages très très fortes. On a entendu en début d'émission ce texte sur la transformation de la foule en peuple par ce qu'on appelle socialistes, entre guillemets. On les retrouve beaucoup plus tard, les socialistes. Il y a des textes de Philippe Muret sur le sourire de Ségolène Royal qui sont ravageurs, qui sont vraiment très très très durs sur l'utilisation, sur la fête de la musique, sur cette façon qu'ont les hommes de faire la fête et de tout célébrer sans rien dire. Je vous propose qu'on l'écoute d'ailleurs. Le dire lui-même, il le dira bien mieux que moi. La fête telle qu'elle se déroule aujourd'hui n'est pas une fête, c'est pas une fête puisque c'est une fête continuelle, c'est la festivisation du monde, c'est la disparition de la différence entre fête et non-fête, entre temps non-festif et temps festif, c'est l'indifférenciation. La fête recouvre un processus de différenciation générale qui d'ailleurs programme tous les autres processus d'indifférenciation, la disparition des différences entre les âges, entre les vieux et les jeunes, la disparition des différences de sexe, la disparition presque d'une certaine façon aussi, la disparition des vivants et des morts, puisque les morts eux-mêmes, j'en parle, sont en cours de festivisation aussi bien à travers Halloween qui remplace l'ancienne fête des morts que... Moi, ce que je vois, c'est une festivisation générale dans laquelle les événements saillants sont des fêtes gigantesques comme la Love Parade ou la Gay Pride, etc., où ils se multiplient. Et petit à petit, ces fêtes ont vocation à recouvrir tout le calendrier, d'une certaine façon. Et on fait même maintenant, on invente presque chaque jour des fêtes. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, vous écoutez la voix de Philippe Muret. C'était au micro de François Angelier en 1999. Je précise que Philippe Muret est mort en 2006 et que le bien vivant Alexandre de Vitry est avec nous en studio pour en parler aujourd'hui. Il lui a consacré un ouvrage, l'invention de Philippe Muret. Que reproche Philippe Muret à la fête, Alexandre de Vitry ? À la fête en tant que telle, rien du tout. Philippe Muret, même si c'est un personnage assez mélancolique, a également un caractère joyeux et même festif, si l'on veut. C'est une littérature très comique. Rablaisienne. On rit beaucoup en le lisant, c'est excessive, vrai. Qui déborde de partout, bon, qui de ce point de vue pourrait être considérée comme une fête. D'ailleurs, la revue L'Atelier du roman, dont Muret était proche, avait publié un numéro qui lui était consacré, qui s'intitulait, si je ne me trompe pas, Muret est une fête. Bon. Alors qu'est-ce qu'il reproche du coup à cette fête qui pourtant pourrait lui ressembler ? Eh bien, c'est ce qu'on entendait dire là directement, c'est que la fête a toute envahi. La fête a remplacé la non-fête. Il n'y a pas autre chose que la fête. Là est le problème. Muret est un lecteur de bataille. Hein, et pour Muret, la fête, c'est l'explosion d'hétérogène qui intervient ponctuellement, de temps en temps, à l'intérieur d'une société, elle, homogène et organisée, pour éviter que la société, comme une cocotte-minute, explose. Voilà la fonction anthropologique de la fête. Cela veut dire que la fête, par nature, est foncièrement, nécessairement minoritaire dans le temps. Elle intervient ponctuellement. Une fête qui remplace le temps homogène, le temps de la raison, de l'économie, de la société, n'est plus du tout une fête. Elle devient même le contraire de la fête. L'espèce de fête obligatoire, permanente, n'a plus rien de carnavalesque. Comment renverser les valeurs si les valeurs sont renversées tous les jours ? Ce n'est plus la fête. Voilà bien le problème de ce qu'il appelle l'ère hyperfestive, de la post-histoire, bon, pour reprendre ces catégories. Et c'est pour la cela. Post-histoire, c'est maintenant. La post-histoire, c'est maintenant. Oui, la fin de l'histoire. Bon, c'est la fin de l'histoire. Alors, il est de cette génération qui a beaucoup parlé de fin de l'histoire, mais sa fin de l'histoire, à lui, n'est pas tant marquée par la chute du mur de Berlin comme celle de Fukuyama, disons, mais par la première technoparade. Quoi. C'est en même temps, d'ailleurs, et à Berlin aussi. Mais et il forge ce concept pour penser cette omniprésence de la fête. Hein, c'est le mot festivus. C'est l'homo festivus, alors ça c'est la mutation anthropologique qu'il observe à travers cette mutation du temps occidental, disons au moins, du temps des grandes villes occidentales, eh bien ça se produit une mutation de l'homme. Cette mutation de l'homme, elle n'est pas seulement décrite comme la décrirait justement un sociologue ou un anthropologue, c'est-à-dire que cet homo festivus, d'ailleurs sans article, hein, c'est bien homo festivus et non l'homo festivus, eh bien cet homo festivus est presque un personnage de roman. Jamais tout à fait un personnage de roman, mais presque. Parce que Muret veut faire le roman de son époque, mais une époque pleinement indifférenciée, qui fait la fête tout le temps, et où les individus en fait sont autant de sosies les uns des autres, ne peut plus être décrite avec les outils du roman, à ses yeux. Il faut donc inventer un autre procédé de description, à mi-chemin de la description qu'on pourrait dire théorique, justement, sociologique, anthropologique, philosophique même, et du roman, avec des personnages différenciés, comme chez Balzac. C'est ça, Homo Festivus aussi, une technique de description d'une époque qui fait tout pour s'indifférencier. et qui est propre, parce que cette indifférenciation, on la retrouvait déjà, même dès le 19e siècle. Bien, il l'a présentée dans le 19e siècle, mais justement, c'est là qu'il y a quand même vraiment un basculement dans son œuvre autour de 1990. C'est qu'il découvre ou il invente ce qui, dans son époque propre, produit une indifférenciation pour lui parfaitement inédite et qui va beaucoup plus loin que celle du 19e siècle à travers les âges. Et d'ailleurs, à cette époque, à partir de cette date, quand on lui demandait de commenter ses analyses sur l'occultosocialisme et la 19e-ité, il disait qu'il ne les reniait pas, mais qu'elles ne lui étaient plus utiles maintenant pour parler de l'époque, puisqu'il avait trouvé tout un nouvel attirail conceptuel, plus propre à nos années 90 et 2000, et auquel il allait pleinement se consacrer désormais. Par exemple, à part Homo Festivus. Mais alors, la fin de l'histoire. Cette fin de l'histoire de Muret, elle est très inspirée, là aussi, de lectures très philosophiques, de Kojève, de Hegel, de Bataille également, de Freud aussi. Et alors, il fait converger toutes sortes de concepts qu'il pioche à droite, à gauche, pour décrire une disparition du négatif, disons, du moment négatif de la dialectique hegélienne, ou de ce que Bataille appelle justement l'hétérogène dont nous parlions, ou la part maudite, enfin toutes ces formules très parlantes de Bataille. Et il décrit une période qui désormais est pleinement positive, où plus rien ne vient contrarier le premier moment de la dialectique, où le négatif n'existe plus, où le mal en fait n'existe plus. Or ce mal, ce négatif, c'est le moteur de l'histoire. Quand le sujet historique perd cette négativité qu'il avait en lui, quand il cesse de voir la faute en lui, alors si l'on creuse un peu, ça veut aussi dire quand on cesse de croire au péché originel, il sort de l'histoire. Il rentre dans un temps répétitif, toujours identique à lui-même, celui de la fête permanente. Celui du règne du bien. Le règne du bien, c'est le titre d'ailleurs, presque le titre d'un de ses, du livre qui date un peu ce basculement, qui s'appelle « L'Empire du bien ». Et c'est pour ça qu'il s'en prend autant aux socialistes, y compris au XIXe siècle, et aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est cette espèce de célébration du bien, de la morale. Oui, bien sûr. Alors, le socialisme contemporain auquel il s'attaque ne lui est insupportable que parce qu'il est le plus flagrant dans son discours à l'époque. Mais en fait, toute forme de discours politique constitué lui semble ridicule. Qu'il soit de droite ou de gauche, simplement la gauche est plus voyante, elle est plus intéressante, elle produit un discours sur lequel on peut plus facilement s'agripper, qu'on peut plus facilement commenter, prolonger et ridiculiser. Mais il ne propose pas une sorte de contre-discours ou d'alternative. Ce que vous dites, c'est qu'il est contre ou très critique de la politique en général, oui. Pas que de la gauche, c'est ça, c'est le geste politique. Absolument. Pourquoi ? Parce qu'il invente un soi-disant peuple. Exactement. En fait, on revient un peu à notre point de départ, c'est-à-dire que la politique, quelle qu'elle soit, a une composante au moins à minima progressiste, dans le sens où une politique défend un projet de société. Philippe Muret ne défend pas de projet de société. Il veut peindre son époque, et avec un jusqu'au boutisme qui peut être parfois inquiétant. Et d'ailleurs, il y a des livres de Muret, cette fois c'est un peu d'autres livres encore, à la fin des années 80, qui tournent beaucoup autour de la reproduction, de la sexualité, et où Muret, en fait, préconise plus ou moins la disparition de l'espèce humaine. En tout cas, refuse, lui, d'avoir des enfants, et ne cesse de poser cette question, faudrait-il absolument continuer d'avoir des enfants ? Ce sont des questions qui posent beaucoup comme des interros négatives. Mais est-ce qu'au fond, on ne pourrait pas imaginer que l'humanité pourrait cesser de procréer et que ce serait très bien maintenant qu'on en a la possibilité technique ? En fait, c'est un peu ça son discours. Bon, c'est lié à un jusqu'au-boutisme, je disais, qu'on pourrait caractériser même comme une sorte d'hypertrophie du moi de l'écrivain. C'est que Muret veut être le seul à rester. Il veut, lui, se singulariser comme étant le seul individu, le seul créateur, le seul capable de comprendre le fonctionnement de son époque. En quelque sorte, décrivant cette époque, y mettre fin. Il y a quelque chose ici d'assez sombre, presque une forme de nihilisme. Après moi, le déluge au sens littéral du terme. Bien sûr. Être toujours le dernier écrivain. C'est un peu cela. Un magistrat du temps de Balzac, un usurier, une femme de chambre, un ancien soldat de l'Empire. On savait plus ou moins ce qu'ils voulaient, ce qu'ils fabriquaient. Leurs histoires, leurs drames, même les plus complexes, sont d'une limpidité, d'un réalisme, d'une palpabilité formidable, à côté de ce qu'on peut supposer comme aventure, comme drame, à un agent d'ambiance ou à une adjointe de sécurité. Qu'est-ce que ça peut être, le comportement d'un type en train d'aiguiller des familles ou de faciliter un décloisonnement? Et qu'est-ce que c'est un facilitateur de décloisonnement qui ne fait pas bien son boulot? Ça s'attrape par quel bout? Et un coordinateur petite enfance qui tire au flanc? Un agent de médiation qui bâcle? Un accompagnateur de personnes dépendantes placé en institution qui cochonne le travail? Un développeur du patrimoine qui sabote? Est-ce qu'il est possible de se révéler mauvais comme agent d'ambiance? Médiocre accompagnateur de détenus? Détestable facilitateur de réinsertion à la sortie de l'hôpital? Et que se passe-t-il en vérité quand un agent d'ambiance se met en grève? Sur France Culture, les chemins de la philosophie, Philippe Muret nous accompagne aujourd'hui en compagnie d'Alexandre de Vitry. À ceux qui diraient hâtivement, peut-être pas complètement à tort, en entendant ces quelques lignes de Muret, en vous entendant depuis le début de l'émission, Alexandre de Vitry, que Muret est au fond un réac provocateur qui n'a pas grand-chose à nous dire. Voici un exemple, je vois que vous bondissez quand je dis ces phrases, ces mots. Voici un exemple d'une méthode qu'il cherche à mettre au point. Bien sûr que c'est drôle, bien sûr qu'il se moque de l'invention de nouveaux métiers tels que agent de médiation ou chauffeur, chauffeur de salle ou metteur d'ambiance. Mais en même temps, on voit la méthode qu'il cherche à mettre au point pour saisir ce que ces métiers nous disent de notre époque. C'est ça qui est très fort. Oui, qui est une sorte de méthode par l'absurde. D'ailleurs, c'est dans un texte qui s'appelle « Martine Aubry fait concurrence à l'état civil », si je ne m'abuse, référence transparente à Balzac, et qui essaye de creuser l'idée de que ferait de poser la question « Comment Balzac pourrait se saisir de notre époque ?» La réponse est « Ce n'est pas possible ». Et en fait, en creusant ce sillon, en approfondissant toujours cette impossibilité, Muret essaye de parler de notre époque. De ce point de vue, c'est une esthétique très moderne, c'est une esthétique de l'impossible. Mm. Il y a quelque chose de presque malarméen dans cette démarche. Et c'est cela, sa technique. C'est pour cela que, comme vous dites, bon, on ne peut pas le réduire à... alors, quelle est la formule que vous avez utilisée? Un réac provocateur. Bon. Oui. Quelle est la différence entre Muret et, disons, le premier éditorialiste venu d'un journal de droite, d'un hebdomadaire ou d'un mensuel? Quelle est la différence? Eh bien, c'est que la démarche de Muret... Il est beaucoup plus drôle. Alors d'abord, c'est le talent, absolument. L'humour. La puissance comique de Muret. Cette espèce de débordement, de copia, d'abondance dans la prose de Muret. Donc indiscutablement, c'est cela. Mais c'est aussi quelque chose d'autre, je crois. C'est cette orientation de sa réflexion, de son travail, de sa théorie, de son regard critique. Une orientation de tout cela vers la littérature. Muret a beau se moquer, a beau vouloir détruire, il veut quand même créer quelque chose de beau. C'est peut-être difficile à comprendre, c'est en tout cas paradoxal évidemment, puisqu'il veut ridiculiser, il ne parle que de ce qu'il déteste, à quelques exceptions près. Mais... Et pourtant, c'est pour créer une œuvre d'art. Tout le paradoxe est là, et à mon avis toute l'originalité est là. Parce que je ne vois pas tellement d'autres cas de figure reposant sur cette logique aujourd'hui. Non, aujourd'hui non, Baudelaire l'a beaucoup fait. Baudelaire l'a beaucoup fait, oui. D'où le modèle absolu que représente Baudelaire pour Balzac. Donc c'est essayer de Muret, pardon. Intéressant l'absurde. Donc son geste consiste à essayer de décrire le plus joliment possible et le plus littérairement possible une époque qu'il exècre par ailleurs, c'est ça? On pourrait le dire comme ça? Oui, absolument. C'est peut-être le propre de la satire, au bout du compte. Et la satire étant aussi, n'étant pas seulement un ton et un certain regard, mais étant un genre de la diversité, de la liberté de l'auteur, qui correspond assez bien à Muret, parce que ses livres aussi, à ce point de vue, sont difficilement classables. Il y a quelques romans de Muret, mais que faire de ces espèces d'essais successifs, qui ont été depuis d'ailleurs réunis pour la plupart en un gros volume qui s'appelle Essais, justement, aux belles lettres. Bon, ces essais, que sont-ils? On est très loin des essais de Montaigne, ce n'est pas du tout un essai politique comme il en sort à chaque rentrée, avec un diagnostic appuyé sur des chiffres divers pour parler de l'époque. Qu'est-ce que c'est que ces livres? C'est une espèce de mélange satirique de toutes sortes de traditions qui viennent aussi bien des moralistes français, à la façon de La Bruyère, de La Rochefoucauld et d'autres, que d'une... prose plus mordante qui s'est développée au XIXe siècle, que la prose de Baudelaire, justement, quand Baudelaire est prosateur, que la prose de Nietzsche, à certains égards, qui était aussi un de ses grands modèles, et Nietzsche ayant d'ailleurs pour modèle La Bruyère, bon, tout cela forme quand même une tradition dont on peut tisser le fil, et dont on voit qu'elle est, encore une fois, je suis un peu obsessionnel, mais une tradition littéraire. Pourquoi insistez-vous sur ce point ? J'insiste sur ce point parce que il me semble que dans le succès même de Muret, succès certes relatif, mais grandissant depuis une dizaine d'années, il y a parfois un malentendu qui est que Muret sert de réservoir de bons mots, de formules qui font mouche, justement pour ces éditorialistes dont nous parlions. Bon, par exemple, voilà, le Muret, l'art du titre. Il y a beaucoup de petits textes comme ça de Muret avec des titres très frappants. L'envie du pénal, outrage aux bonnes meufs. Et alors, ces titres-là sont évidemment tellement facilement citables et utilisables à gogo, en étant déformés d'ailleurs souvent, mais peu importe qu'on les retrouve sur les plateaux télé ou dans les éditos de la presse. Alors, tout le monde a le droit d'utiliser Muret, c'est très bien, mais il apparaît par conséquent comme une sorte de maître à penser d'une génération un peu réactionnaire qui a beaucoup la parole depuis une dizaine d'années. C'est l'image de Muret. Donc j'insiste beaucoup sur cette appartenance à une sphère exclusivement littéraire, d'abord parce qu'il y insistait lui-même en permanence, et que je pense que c'est important d'essayer de le rendre un peu à la littérature et de le sortir simplement de l'ornière très politique dans laquelle il se trouve, lui qui était si anti-politique. Tout en sachant qu'il est un peu illusoire de vouloir distinguer la littérature d'un côté et la pensée de l'autre, comme si la littérature ne consistait qu'à fabriquer des phrases et la pensée qu'à émettre des idées. Oui, bien sûr, mais si c'est tout de même une illusion qui existe comme illusion. Et c'est une illusion qu'on peut vouloir dissiper, qui mérite de l'être un peu. Il faut évidemment se méfier de toute sacralisation excessive de la littérature contre toutes les autres formes de discours. Néanmoins, c'est une illusion que partageait Muret. Et qui a aiguillé tout son travail et qui explique qu'il ait tant travaillé à sa langue, qu'il se soit mis dans une position si intenable par ailleurs, qu'il ait essayé de trouver cette espèce de position de solitude la plus radicale possible pour être le seul à pouvoir parler de son époque de cette manière-là. Eh bien, tout cela se fait au nom de la littérature. Alors, c'est peut-être une illusion, mais c'est une illusion qui mérite d'être un peu sauvegardée, je crois. Heureusement que nous avons Baudelaire. En plein milieu de la période, comme deux yeux ouverts en pleine nuit. Comme un télescope à super capacité d'absorption, recevant rétroactivement des informations venant de galaxies situées à des milliards d'années-lumière. Sans Baudelaire et son écart, nous ne saurions pas aussi précisément ce qu'ils étaient en train de faire en même temps qu'ils vivaient. Cette littérature de masse et de messe, devenue de grands textes classiques, sans jamais avoir été réellement interrogée comme il aurait fallu. Partout s'étalait, se répandait, s'ébaudissait le peuple en vacances. C'était une de ces solennités sur lesquelles, pendant un long temps, comptent les saltimbanques, les faiseurs de tours, les montreurs d'animaux et les boutiquiers ambulants pour compenser les mauvais temps de l'année. En ces jours-là, il me semble que le peuple oublie tout. La douleur et le travail, il devient pareil aux enfants. Pour les petits, c'est un jour de congé, c'est l'horreur de l'école renvoyée à 24 heures. Pour les grands, c'est un armistice conclu avec les puissances malfaisantes de la vie. Un répit dont la contention est la lutte universelle. L'homme du monde lui-même, et l'homme occupé de travaux spirituels, échappe difficilement à l'influence de ce jubilé populaire. Ils absorbent sans le vouloir leur part de cette atmosphère d'insouciance. Pour moi, je ne manque jamais, en vrai parisien, de passer la revue de toutes les baraques qui se pavanent à ces époques solennelles. Au bout, à l'extrême bout de la rangée de baraques, comme si, honteux, il s'était exilé lui-même de toutes ses splendeurs, je vis un pauvre saltimbanque, voûté, caduque, décrépit, une ruine d'homme, adossé contre un des poteaux de sa cahute, une cahute plus misérable que celle du sauvage le plus abruti, et dont deux bouts de chandelle, coulants et fumants, éclairaient trop bien encore la détresse. Partout la joie, le gain, la débauche. Partout la certitude du pain pour les lendemains. Partout l'explosion frénétique de la vitalité. Ici la misère absolue, la misère affublée pour comble d'horreur de haillons comiques, où la nécessité bien plus que l'art avait introduit le contraste. Il ne riait pas, le misérable. Il ne pleurait pas. Il ne dansait pas. Il ne gesticulait pas. Il ne criait pas. Il ne chantait aucune chanson, ni gaie, ni lamentable. Il n'implorait pas. Il était muet et immobile. Il avait renoncé. Il avait abdiqué. Sa destinée était faite. Culture, les chemins de la philosophie, vous écoutez Charles Baudelaire, lu par Elise Moon, commenté par Philippe Muret, évoqué par Alexandre de Vitry. Ça fait du beau monde en studio aujourd'hui. Le texte de Baudelaire, Le vieux saltimbanque, hein, qu'on trouve dans le spleen de Paris, reprend la tension qui anime Philippe Muret et que nous évoquons depuis le début de cette émission entre le peuple d'un côté, la foule constituée en peuple, et l'individu. Cet individu pouvant être soit l'écrivain qui décrit le peuple, soit dans le cas du texte de Baudelaire, ce saltimbanque, qui est le seul, paradoxalement, qui ne fait pas la fête. Oui, l'image que donne ce poème de Baudelaire est une image poignante de cette opposition de l'individu à la foule. Parfois, chez Baudelaire, elle pourra être plus grinçante, plus agressive. Ici, elle a quelque chose de pathétique. C'est aussi la misère de cet individu. Artiste, pauvre artiste, seul et hors de la fête. Et là, c'est vrai qu'on entend un écho antérieur de la festivisation que décrit Muret. Bon, je vais sans exagérer la prescience de Baudelaire, qui n'avait pas grande idée de ce que deviendrait la fête de la musique, la fête des voisins, la fête du sport, j'ai vu, devant la maison de la radio. Bon, cette festivisation n'est pas du tout le problème de Baudelaire, évidemment. Mais néanmoins, cette idée que l'écrivain solitaire est celui qui ne fait pas la fête, le seul qui sort de la fête, est en effet toute muréienne, et l'on comprend bien cette fascination que ce Baudelaire-là en particulier exerce sur Muret. On l'entend bien d'ailleurs dans le texte que vous avez lu juste avant que nous entendions la lecture. Heureusement que nous avons Baudelaire, disait le texte. Ouais. Heureusement que nous avons Baudelaire pour nous révéler, disait-il, cette littérature de masse et de messe. C'est celle de Victor Hugo, ouais, de Michelet, de la littérature de masse et de messe, à laquelle Muret oppose la littérature de Baudelaire, qui, elle, est une littérature irreligieuse et qui va casser l'illusion qu'il existe un peuple sacré, une masse qui est aussi une messe. Donc le 19e siècle à travers les âges, ce livre oppose en fait deux littératures. C'est la guerre de deux littératures l'une contre l'autre. Et l'enjeu de cette guerre, c'est la question de la masse, du peuple, du nouveau peuple. C'est la manière dont on se rapporte à cette masse. Il y a une image qu'utilise Muret ailleurs pour parler de cette littérature à la Baudelaire, disons. C'est l'image du carbone 14. Et Muret dit, le carbone 14 permet de dater une époque, comme les grands écrivains, mais il détruit ce qu'il date. Et il y a quelque chose de cet ordre dans le regard de Baudelaire sur son époque et dans le regard que Muret veut poser sur son époque. Il faut décrire et détruire en même temps, rendre caduque en même temps, et non célébrer. La littérature de Hugo, telle que la comprend Muret, serait liturgique en fait. Tandis que la littérature de Baudelaire serait une sorte de nouvelle forme de l'incroyance. Incroyance dans les nouveaux dogmes. Et ces nouveaux dogmes, c'est la croyance dans l'existence même d'un peuple. Ça veut dire qu'il identifie systématiquement la masse autant à la politique qu'à la religion. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de différence. Pas vraiment. Disons que c'est les deux discours que peut produire ce regard sur le peuple. Un discours politique qui se présentera plutôt comme un discours rationnel, et qui sera le discours d'Auguste Comte, par exemple, et puis un discours religieux, souvent explicitement irrationnel, qui donnera parfois des formes un peu spectaculaires, d'ailleurs, de religions romantiques, les sectes étranges, spirites et autres qui traversent le XIXe siècle. Pour Muret, ce sont les deux faces du même phénomène. Donc effectivement, dès qu'il est question du nombre et de la masse, eh bien, soit on est du côté de la politique et de la religion, ensemble, soit on est du côté de la désacralisation, c'est-à-dire la littérature qu'aime Muret. Mais dans quelle mesure son geste n'est-il pas lui aussi moral ? Ne juge-t-il pas le peuple et la masse comme étant inférieur à lui. Est-ce que tout ça n'est pas soit un alibi pour écrire, auquel cas c'est un geste d'écrivain, soit au contraire un alibi moral en fait, une manière de dire bah ça m'arrange bien d'être écrivain parce qu'alors je peux dire que la masse m'ennuie. C'est une question redoutable. Redoutable déjà quand on la pose au sujet de Baudelaire, et qui divise beaucoup la critique baudelairienne d'ailleurs. Est-ce que cet intérêt ambigu de Baudelaire pour la foule relève de l'empathie au fond? Est-ce qu'on peut, disons, le tirer sur sa gauche? Ou est-ce qu'au contraire c'est l'antimodernité, le divorce avec l'époque, la cruauté, l'individualisme qui sur lequel il faut mettre l'accent? Bon, la question à mon avis reste ouverte. Dans le cas de Muret, les choses sont peut-être plus explicites. Il y a une forme d'aristocratisme, disons, de la posture de Muret, à n'en pas douter. Mais en même temps, un mépris serein de l'époque devrait le conduire au silence et à l'indifférence. Ce mépris, s'il existe, est tout de même plus tragique que cela, puisqu'il se sent comme obligé d'en parler, de ne parler que de cela. Pour quelqu'un qui déteste son époque, il lit quand même beaucoup les journaux, il passe beaucoup de temps sur Internet, il se renseigne énormément sur tout ce qui s'y passe. Donc c'est au moins ambigu. Alors sur la question de la morale, alors bon, Muret détestait les postures moralisatrices, surtout quand elles sont intégrées à un discours politique ou au moins social. Mais malgré tout, il y a une dimension morale. Il y a une dimension morale indiscutablement. À mon avis, on peut la décrire de deux manières un peu différentes. Cette dimension morale, d'abord, elle est un peu thérapeutique. Muret disait que tel lecteur lui avait dit « quand je lis vos livres, ça me fait du bien ». Il disait « c'est tout ce que je demande ». Donc voilà, une morale toute simple, thérapeutique, du soulagement, disons, du care. Voilà, et le développement personnel même. Presque les feel-good de livres, c'est ça en ce moment. Bon, ses cheveux se hérisseraient sur sa tête s'il entendait ça. Mais une autre morale que je vois chez lui, c'est justement cette inscription dans une tradition moraliste. Plus moraliste que moralisatrice, c'est-à-dire décrire les mœurs, puisque c'est aussi cela, la morale. Observer les mœurs d'une époque, trouver le moyen de les décrire pour que nous comprenions le fonctionnement de cette époque. Il faut une insatiable curiosité pour être allé aussi à fond dans la description d'une époque. Et donc cette morale, alors là je joue un peu sur les mots, mais c'est plutôt la morale du moraliste que celle du moralisateur. Mais la distinction est très importante, c'est ce qui distingue La Bruyère d'autres philosophes qui justement pensent détenir la vérité et veulent la divulguer chez tout le monde. La posture de Muret a ceci d'intéressant qu'elle se situe vraiment à la charnière d'une certaine époque, c'est-à-dire qu'il meurt en 2006, je l'ai dit, il a assisté au début des années 2000, il a assisté à l'avènement d'Internet, il a assisté à toute la période politique qui a suivi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on connaît un peu Muret, quand on l'a un peu lu, on passe son temps à se demander ce qu'il dirait aujourd'hui. C'est-à-dire que le regard qu'il porte est très utile pour penser ce qu'il appelle lui-même la modernité, hein, justement, qui est un terme souvent un peu fourre-tout, qui ne signifie pas grand-chose. Mais il a vraiment développé une manière de recevoir, d'accueillir et de critiquer l'époque qui finalement n'est pas si courante, c'est assez rare, ces grilles de lecture qui fonctionnent encore aujourd'hui. C'est vrai qu'on se dit facilement qu'on vit encore dans le monde de Muret et que, en quelque sorte, Muret est une machine qui serait passée en pilote automatique et que les Muréries se multiplient plus extraordinaires encore que du vivant de Muret. En même temps, je suis très perplexe, je ne sais pas ce qu'aurait donné l'art de Muret s'il avait pu se prolonger au-delà de 2006, l'année où il est mort, puisque il y avait quand même, à la fin de sa vie, une forme de mélancolie qui s'installait et d'essoufflement d'une certaine forme, en tout cas, de la forme qu'il avait trouvée durant une quinzaine d'années, qui était celle de ses essais festivistes, ses essais sur l'Homo Festivus, sur la fin de l'histoire. Et cette forme-là semblait arriver à son terme. Et donc, je pense que si l'époque reste très muréienne à bien des égards, et fait souvent penser à son œuvre, et son œuvre nous permettant alors de mieux la comprendre, eh bien, je crois que si le destin avait voulu que Muret vécût 20 ans de plus, eh bien, il y aurait eu encore un autre Philippe Muret. J'ai toujours, moi, du mal à trouver que la mort d'un écrivain puisse faire un destin satisfaisant, et qu'on puisse l'accepter comme tel. C'est comme pour Charles Péguy. Pour certains, c'est magnifique, cette mort à la guerre, et ça fait le terme harmonieux d'un itinéraire qui a sa complétude. Alors que moi, je vois surtout une frustration comme lecteur de savoir que un homme, un écrivain, La plupart des écrivains, en tout cas, se réinventent, qu'il y a plusieurs étapes dans une production littéraire. Dans le cas de Muret, c'est évident, et qu'il nous manque une ou deux de ces étapes à cause d'un parcours qui s'est arrêté tôt, puisque Muret est mort à 60 ans, ce qui est tout de même très jeune pour notre époque. Alors qu'en plus, il était arrivé à sa maturité esthétique après ses 40 ans. Donc en fait, il y a une quinzaine d'années vraiment très productives, ce qui est tout de même bien peu. Comment expliquez-vous qu'il soit si peu lu aujourd'hui et si peu étudié ? Il est très cité et il est peu lu. C'est le cas de pas mal d'auteurs et je crois, j'ai une petite hypothèse là-dessus, mais je ne suis pas sûr de sa validité, c'est que les écrivains qui sont peu lus et beaucoup cités, ce sont souvent les écrivains qui n'ont pas écrit de romans. Je vais encore le comparer à Peggy, mais Peggy a subi un peu le même sort. Tout le monde parle de Peggy, tout le monde cite Peggy, personne ne lit beaucoup Peggy parce que c'est difficile. C'est plus difficile de lire des essais pendant longtemps que de se laisser embarquer par l'intrigue d'un roman de Houellebecq, par exemple, pour prendre quelqu'un qui peut être comparé à Muret dans son époque. C'est plus facile de lire Houellebecq, c'est plus difficile de le citer, d'ailleurs, parce qu'on n'extrait pas facilement d'un roman des formules choc. C'est un peu le destin de ces auteurs de prose d'idées qui ne sont pas des romanciers, je crois, d'être plus cité que lu. Qu'il soit peu étudié, je crois que ce n'est pas irrémédiable, et d'ailleurs, les choses petit à petit évoluent, il faut un peu de temps pour ces choses-là, c'est très bien d'ailleurs, hein, le temps un peu long de l'institution littéraire et de l'université qui digère peu à peu certaines figures qu'il était difficile de digérer sur le coup, disons. Mmh. Il me semble plus facile d'organiser des colloques sur Pascal Quignard de son vivant, que de le faire sur Philippe Muret, qui passe son temps à dire du mal de tout le monde, université comprise d'ailleurs. En revanche, depuis sa mort, il y a quand même des manifestations chez les historiens, des séminaires, des articles qui se multiplient. On s'intéresse à Muret, on s'intéresse à sa vision du 19e siècle. Maintenant, les universitaires, par exemple, à ce sujet, ils sont de plus en plus nombreux à considérer que ce livre n'est pas du genre universitaire, c'est un livre énorme, très érudit, sans aucune note de bas de page, ce qui est absolument inconcevable dans une démarche sérieuse d'historien, mais que néanmoins il a une valeur heuristique, comme on dit, c'est-à-dire bon, il permet de découvrir toutes sortes de choses, d'ouvrir des pistes très intéressantes en réalité pour les historiens, et qui se l'approprie à ce titre. Mais pour ce genre d'appropriation, de digestion, je disais, il faut du temps, et nous sommes dans ce temps. On a encore quelques minutes pour faire entendre juste quelques lignes, parce que vous parlez là de son métier d'historien. C'est vrai qu'on vous l'a présenté en écrivain, mais quand on lit le 19e siècle à travers les âges, dès la préface, on sent cette volonté de mettre au point peut-être une méthode qui serait celle de l'historien. Il écrit « Il y a aujourd'hui exactement 196 ans, 11 mois et 21 jours, un événement étonnant se déroula en plein Paris. Aussi étonnant qu'incompris, aussi mal analysé que rapidement oublié, une affaire modeste en apparence, une anecdote de voirie, un conflit d'administration. Rien qu'un problème de déplacement de déchets pour trouble de jouissance. C'était le 7 avril 1786. Cette date ne nous dit plus rien ? Non, elle ne dit plus rien à personne. C'est normal, d'autres dates lui font de l'ombre, de très grandes encore à venir, dès l'époque prête à faire jaillir leur tempête. 1789, 1791, 1793, pointe d'équinoxe de l'histoire que l'on commémorera plus tard. Centenaire, débat, bicentenaire. Au détriment de cet événement par lequel j'ai décidé de commencer, ne serait-ce que pour réparer une injustice, combler un trou de mémoire criant, corriger une lacune bizarre, une négligence abusive. » Et ainsi l'analyse continue. Il y a cette idée de faire peut-être une autre histoire. Tout simplement, aller s'intéresser à autre chose. Et ça semble être d'ailleurs l'histoire de quelque chose qu'on pourrait qualifier de la petite histoire, celle du peuple, des oubliés. Et là, le paradoxe est criant. Ce peuple auquel il ne veut pas s'intéresser, bah c'est peut-être son histoire qu'il veut faire. C'est vrai que, d'autant que c'est aussi le procédé dont je parlais tout à l'heure à propos de 1989 et 91, c'est-à-dire parler plutôt que de parler de la chute du mur, de parler de la première Love Parade, ou Technoparade, comme elle s'appelait à l'époque, je crois. Bon, alors c'est avec des événements en apparence plus dignes que commence le 19e siècle à travers les âges, à savoir 1786, c'est-à-dire le transfert des ossements du cimetière des Innocents dans les catacombes à Paris, comme la vraie date fondatrice de la modernité, plutôt que 89, la prise de la Bastille ou l'abolition des privilèges. Alors, vous proposez de dire que c'est une histoire des petits, des oubliés, et c'est intéressant. Et en effet, il y a quelque chose chez Muret, de cet appel de Vico ou de Michelet à faire non pas l'histoire des grands hommes, des grandes dates événementielles, mais une histoire qui deviendra en fait l'histoire des annales, en quelque sorte, une histoire plus souterraine, mais son histoire souterraine est tellement caustique, satirique, qu'elle n'est pas une histoire pour sauver et mettre en valeur ces petits que les historiens auraient oubliés, mais plutôt pour attraper tout le monde, attraper tout ce peuple dans les filets de sa littérature, et ensuite le jeter aux orties. Comment attraper, par quel bout le prendre, hein, c'est la question qu'il se posait, ce peuple. Eh bien, merci en tout cas Alexandre de Vitry de nous avoir aidé à y voir plus clair cette méthode, peut-être qu'on peut parler de méthode et de langue en tout cas de Philippe Muret. Merci beaucoup. Je renvoie les auditeurs à votre livre qui paraît dans peu de temps, Sous les pavés la droite, chez Les Clés de Brouwer. J'espère que ce n'est pas un essai comme vous avez décrit, hein, ce que Muret fustigeait, plein de chiffres et de classements. Dieu m'en garde. Bon. Et à votre livre, L'invention de Philippe Muret, paru aux éditions Carnet Nord. On se quitte avec quelqu'un qui a peur qu'on le traite de réac. Peut-être que vous le reconnaîtrez, c'est Mes frères les démagos. Ma mémoire existe, je vous ai entendu vanter toutes les solutions marxistes au nom des peuples libérés. Mais quand le jour maudit arrive, que vos régimes sont au pouvoir, le pays part à la dérive et puis se lève le soleil noir. Vous allez me traiter de réac, vous allez dire que je suis facho, mais vous me filerez pas le trac, vous les pros de la démago, je sais ce que valent le promo. Le sang qui coule sur plein peine a pris sa source dans vos esprits, vous avez fait germer la haine en soutenant Khomeini. Vous êtes tous responsables de ces horizons sans espoir, et vos consciences de coupables portent la tâche du soleil noir. Vous allez me traiter de réac, vous allez dire que je suis facho, facho. Mais vous ne me filerez pas le trac, vous les pros de la démago, je sais ce que valent le promo. Avant de reprendre vos plumes pour creuser de nouveaux abîmes, traverser les rideaux de brume, venez dénombrer vos victimes. Ça vous évitera d'écrire pour faire pardonner vos mouroirs. Je ne savais pas que ce serait pire lorsque se lève. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est l'heure de retrouver comme tous les jours le journal de la philo, présenté par Anastasia Colosimo. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Anastasia. Bonjour Adèle, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un livre en deux tomes absolument passionnant de l'historien François Dos, paru chez Gallimard, qui s'intitule « La saga des intellectuels français ». Cette saga qui couvre 45 ans de vie intellectuelle française s'étend de 1944, année de la libération, à 1989, année à la fois du bicentenaire de la Révolution française et de la chute du mur de Berlin. Le livre devrait rapidement s'imposer comme une véritable référence. Nous avons joint François Dos pour nous en parler. Bonjour François Dos. Bonjour. Alors le parcours que vous proposez s'inscrit entre 1944 et 1989, qui selon vous marque l'irruption et la disparition de la figure de l'intellectuel prophétique. Que s'est-il passé ? Oui, disparition, vous faites bien de le préciser, non pas de l'intellectuel, hein, mais de l'intellectuel prophétique, qui avait effectivement dominé la scène après l'effondrement de la barbarie nazie, la libération, une grande espérance, et je pense que ce qui a effectivement disparu, c'est cette croyance dans une rationalité progressive qui s'accomplirait dans l'histoire, une espèce de divinisation de l'histoire qui d'ailleurs nous vient pour l'essentiel du 19e siècle, hein, c'est-à-dire que ce soit Kant, Hegel, Marx, il y a l'idée comme ça d'une rationalité qui à l'insu des acteurs se développe. Et là, on va assister, et ça a été mon propos avec cette saga des intellectuels entre 1944 et 1989, on assiste à un effondrement de ce qu'on appelle aujourd'hui un certain régime d'historicité, c'est-à-dire un régime d'historicité qui est tourné vers le futur. On vit une crise d'avenir, et ce dont j'ai fait la chronique, c'est finalement toutes les scansions, tous les moments forts de désillusion et d'effondrement de cette croyance dans un avenir, dans des lendemains qui chantent, et pour les marxistes avec le communisme, et pour des libéraux vers le progrès de l'économie et d'un développement des forces productives. Il y a là une crise du futur et un présentisme qui va s'imposer, un nouveau rapport au passé qui va être un rapport de mémorialisation, de patrimonialisation de notre passé. Donc c'est cela dont j'ai fait la chronique, et avec une période 44-89 qui n'est pas continue, parce que entre les deux vous avez ce qui est d'ailleurs ma coupure entre mes deux volumes, 1968, et 68 a réveillé d'une certaine manière un certain prophétisme, un messianisme qui d'ailleurs a fortement transformé et positivement notre société française. Alors 1989, là c'est l'effondrement de évidemment du mur de Berlin, du communisme et de ce qui était déjà évidemment en crise, mais qui cette fois-ci est fort clos sur le plan historique. Et donc il en résulte là une tâche des intellectuels qui est autre, avec le passage d'un intellectuel prophétique à un intellectuel spécifique, et avec la nécessité de réfléchir à toute cette période d'un aggiornamento pour reconstruire, comme nous dit Ricoeur, un horizon d'attente, un projet de revoir un peu dans le passé les possibles non avérés pour voir s'ils ne pourraient pas être des germes pour construire le monde de demain. Donc la tâche intellectuelle n'est pas terminée aujourd'hui, au contraire, elle est quasiment prométhéenne. Mais donc vous diriez que 1989, c'est-à-dire la fin du XXe siècle et de ses utopies sociales, ça n'est pas la fin des intellectuels? Non, justement pas. Ce que je vous ai dit, c'est que ce n'est pas la mort des intellectuels. Ce n'est pas ce que j'ai fait. Ce n'est pas un tombeau, comme le disait Jean-François Lyotard, des intellectuels. Ou alors c'est un tombeau au sens de Michel de Certeau, c'est-à-dire effectivement d'honorer ce qu'ont apporté les intellectuels pour reconstruire un futur. C'est-à-dire que, non, je crois que la tâche des intellectuels aujourd'hui ne doit pas être ni l'aveuglement qui a été celui justement du début du parcours que j'ai dressé, c'est-à-dire de 44-45, c'est-à-dire d'une éthique de conviction, mais qui se paye d'un aveuglement sur le monde réel, mais qui doit aussi éviter ce à quoi on assiste à la fin du parcours, c'est-à-dire en 89, le scepticisme, le décadentisme et le fait de considérer qu'il n'y a plus qu'à cultiver son jardin. Donc non, je crois que la tâche des intellectuels est très très importante aujourd'hui, et d'autant plus importante que je dirais que tout est à reconstruire, à refonder. Merci beaucoup François Dos. Je rappelle le titre de votre ouvrage, La saga des intellectuels français, paru chez Gallimard. Merci beaucoup Anastasia Colosimo. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Un grand merci à Sharon Oury qui a préparé cette émission, avec Anaïs Isbert, Colomba Grossi, Isis Jourda, Marie Simon, Géraldine Mosna-Savoie, Lise Combe et Philippe Baudouin qui ont réalisé cette semaine, Élise Leu qui est à la prise de son aujourd'hui, Élise Moon à la lecture des textes. On se retrouve demain pour les chemins du vendredi qui, en cette rentrée, donne la parole à ceux qui font vivre la philosophie aujourd'hui. Et demain, nous serons en compagnie du philosophe Michel Serres. D'ici là, pour écouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture, à la page des chemins de la philosophie. Vous pouvez réécouter l'émission en ligne, mais aussi la télécharger, la podcaster, afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez, à l'heure de votre choix. Rendez-vous également sur les réseaux Facebook, Twitter et Instagram, où nous attendons vos remarques et commentaires. On se retrouve demain, à 10h donc. Mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.